Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable »,